Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Colin. Deuxième épisode. Hélène tente de composer avec la douleur et les questions qui la hantent après le suicide de son ex-mari, Norman, qui a été soigné pour des troubles psychiques graves depuis de longues années. L'annonce de sa mort tombe alors qu'elle vient juste de quitter Albert, son second époux, lequel travaille au centre médical de Queens, où Norman était hospitalisé. J'avais quitté l'hôpital plus fatigué que lorsque j'étais arrivée. Norman me transmettait son épuisement, son apathie, un silence plus profond que la fosse des Mariannes. À l'époque, évidemment, j'ignorais qu'il écrivait un livre. Comment aurais-je pu me douter ? Tout ce qu'il faisait, tandis que les autres riaient ou chuchotaient entre eux sans quitter des yeux le dessin animé qui passait à la télé, c'était se gratter la joue jusqu'au sang. Je n'attendais pas désespérément qu'il me donne un signe de vie, parce qu'il y avait bien longtemps que j'avais cessé d'espérer quoi que ce soit à son sujet. La cause était entendue. Il était passé de l'autre côté. Il était devenu la résignation. Lui, tenir un stylo. Je me revois, murmurant des paroles de réconfort tandis que je le raccompagnais à sa chambre avec l'aide de cette grosse infirmière rousse, Betty quelque chose, tout droit sortie des années 50. Tiens, il est toujours là, le petit oiseau, regarde. Je dois y aller, Norman. Norman. Je vais l'installer dans son fauteuil. Vous devriez y aller, Madame Dalloway. Qu'est-ce que vous lui donnez comme médicament ? C'est pas moi qui fais les prescriptions. Je veux dire, les effets secondaires, ça, vous devez les constater, non ? Il y a 2 semaines, il allait mieux, il suivait mon regard. Il a ses phases, des nuits agitées. Agitées par quoi ? Parlez à votre mari, ce serait mieux. Je veux dire, le docteur. Albert est la dernière personne au monde avec laquelle j'ai envie de bavarder ces temps-ci. Je suppose que vous êtes au courant. Désolée, madame, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il vous parle jamais de moi ? Il vous raconte jamais à quel point il s'est trompé et comme il regrette et tout ça ? Pas vraiment, madame Dalloway. Arrêtez de m'appeler ainsi, c'est Granger, mon nom de jeune fille. Granger, ce serait mieux de commencer à vous y faire. D'accord, madame Granger. Vous direz au revoir à Norman pour moi. Quand il vous paraîtra en état de comprendre. Il comprend, madame Granger. Ce que vous dites, ce que vous faites, quand vous venez, il comprend tout. Et ça le nourrit, croyez-moi. Ça le nourrit ? Parfait. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de se nourrir encore ? Vous parlez de lui comme s'il avait un avenir. Je devenais cruelle. Je ne comprenais plus rien. J'ignorais surtout que le temps peut se déployer ailleurs qu'à l'endroit où il est né. Les écrivains parlent souvent de la mort parce que c'est le seul sujet qu'ils ne risquent pas d'épuiser. Qui voudrait faire le tour d'une forêt plutôt que de s'y enfoncer ? Et puis, personne ne peut nier au paysage de l'après une inaltérable et singulière beauté. J'avais fini par prendre un taxi. Problème sur la ligne. Accident de voyageur et je m'étais mise à paniquer. Trop de monde, soudain. Trop d'obscurité. J'avais besoin de revoir le ciel, aussi gris et chargé soit-il. C'est ici, madame ? Merci, oui. Tenez, gardez tout. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Enfin. Je songeais à la solution d'une énigme dont j'étais incapable d'énoncer les termes. Quelque chose comme un caillou luisant au fond d'une rivière. Un parfum d'hôpital m'est monté aux narines dès que les portes ont coulissé. Je détestais cette odeur de propre. Rien n'était sain dans cette pureté. Rien de naturel. Je me retrouvais projeté des années en arrière, au temps de l'accident. Les sirènes hurlant dans la nuit, ma main sans volonté dans la grosse paluche de Norman et son pauvre sourire. Toute l'impuissance du monde concentrée dans ce regard. Apprendre à vivre avec la mort en vous. Je suis désolé, madame. Je ne peux pas vous dire autre chose. Cette voix. Cette voix qui se voulait incarner, si pleine de compassion. perdre son enfant après 5 mois de grossesse, alors qu'on ne connaît même pas son sexe encore, qu'on n'est pas censé le connaître et qu'on le connaît pourtant, alors qu'on n'a même pas choisi de prénom parce qu'on se laissait le temps, la porte ouverte sur le jardin inondé de lumière. Ça va aller. Comme si, je ne sais pas, comme si nous venions de perdre tardivement un jeu imbécile. Un jeu pour rester éveillé longtemps. Un jeu qui nous aurait donné des raisons d'être heureux. Comme s'il s'était agi de remettre quelques pièces dans la machine. Affronter la tristesse des autres, qui, quoi qu'ils en disent, ne seraient jamais à la hauteur de la nôtre. Subir leurs déceptions de façade et leurs encouragements stériles. Leurs exhortations à redresser la tête, à faire face. Attendre un jour, un mois, un an et réessayer, comme si c'était aussi simple. Personne n'est préparé à ça. Je m'étais élancée, frêle et guerrière, face à la tempête. Mais Norman, lui, n'avait pas supporté. La vérité, c'est que ses repères étaient bien plus diffus que je l'avais pensé. Que le rempart de ses bras n'était qu'un contrepoint fragile à son intrinsèque fragilité, qu'il ne me protégerait de rien, parce qu'il était incapable de se défendre lui-même, envahi qu'il était par des démons venus du fond de son âme. Robe est dans le coin. Vous avez vu Robe Caldwell. Robe Caldwell, soignant. Pardon, je ne suis pas ici depuis très longtemps. Vous êtes... Hélène Galloway. Très bien, je m'occupe de vous. Oh, pardon, je ne vous avais pas... Pas grave, pas grave. Comme je vous disais, je viens d'arriver. Je vais appeler le docteur. Non, surtout pas, laissez-le tranquille. Appelez Rob plutôt, ça vous dérange pas. Bien sûr. Tout de suite, madame. Rob, comment, pardon ? Caldwell, Rob Caldwell. Oui, je l'appelle tout de suite. Rob, le neveu béni toujours là ou presque pour sa tante. Rob le dilettante, le même âge que moi à 5 ans près. Il avait tellement été présent après notre séparation. C'était à cause de lui que Norman avait été interné ici. Ou grâce, difficile à dire. J'avais rencontré un homme, nous avions vécu ensemble, mais tout ça était fini. J'étais en train de me séparer de mon second mari et le premier avait été retrouvé pendu dans sa chambre. Les trajectoires que prennent nos vies, les routes cabossées, les ravines, les chemins de traverse... On se voit comme une comète traversant le ciel, mais la seule traînée qu'on laisse est un sillage de regret. Où est-elle ? Ah, la voilà ! Nom de Zeus, Hélène ! Tu vas me briser les côtes ! J'espère bien. Mais lâche-moi, trop du cul ! Ma petite tata chérie ! Non, je suis plus grande que toi. C'est parce qu'il refuse de me laisser travailler en talons hauts. Ça va ? Attends, je reformule... Tu veux venir dormir à la maison ? Cette nuit ? Pour 2 ou 3 ans ? Arrête de me traiter comme une pestiférée, comme une perdue. J'étais pas là quand c'est arrivé. On va prendre un café ? On va prendre un café. J'avais besoin de lui. Il était parfait quand j'avais besoin de lui, mais était indispensable. Son babillage inconséquent, habillé d'hystérie et d'une pointe de gaieté forcée, sa superficialité pour rire. Il avait ses fêlures, lui aussi. Je les connaissais un peu. Mais je savais que ces jours-ci, s'il y avait des choses à cacher, il me cacherait tout. Tu prends quoi ? Dis-moi que j'ai pas l'air d'une fille dont l'ex vient de se pendre. Tu n'as l'air de rien. Merci beaucoup. Tu as vu ton futur ex-mari ? Je veux dire, le vivant. Dieu m'en garde. Il est en communication téléphonique prolongée avec sa pouf. Je préfère te prévenir. T'es gentil, Rob, mais ça me fait plus rien. Vraiment. Il prépare un week-end dans les Catskills. Ah. Ou quelque chose de ce genre. J'espère qu'elle se fera bouffer par un grizzly. Il n'y en a pas là-bas. Ou qu'elle se cassera une jambe. Enfin, qu'elle essaiera. Tu l'as vu ? Norman. Mmh. Ouais. Et rien ne t'oblige à aller dans sa chambre. Je voudrais voir sa chambre. Je me répète, tu n'es pas forcée. L'hôpital a appelé sa sœur. Elle est là. Quoi ? Elle a été voir sa chambre, justement. Merde, et pourquoi ? Pourquoi personne m'a prévenu ? Parce que ça n'a aucun intérêt. Faudrait que je lui parle. De quoi ? Je sais pas trop, c'est un truc qu'on est censé faire entre belles-sœurs, se parler, je veux suivre le protocole. Alors je viens avec toi. Hein? Non. Là, ce n'est même pas une discussion. Tu fais chier. C'est mon job et je le fais bien. En tout et pour tout, je n'avais vu la sœur de Norman que 3 fois. La première lors de notre mariage, la deuxième quand j'avais été hospitalisée pour ma fausse couche, et la troisième quand son frère avait subi sa première séance de thérapie électroconvulsive. Encore une fois, t'es pas obligé. Je gardais le souvenir d'une brunette sans cesse sur le qui-vive, soupçonneuse. À ses yeux, j'avais tenté de lui piquer son frère. J'étais même momentanément parvenue à mes fins. Et puis tout était rentré dans l'ordre. Sauf qu'à présent, tout était rentré dans un ordre dont ni elle, ni moi, ni personne ne voulions. L'ordre du silence. Celui de la nuit. Elle était arrivée le matin même, ai-je appris par la suite. Elle avait parcouru 300 miles d'une traite, s'était arrêtée chez une collègue de son mari qui habitait Coney Island, et de là avait pris le métro, la malheureuse. Elle était vidée, à bout de force, au désespoir. Debout dans le couloir, mâchonnant un chewing-gum, elle pianotait frénétiquement sur son smartphone. Me voyant arriver, elle l'a fait disparaître dans un sac à main et a rajusté son imperméable. Hélène, ma belle, je suis désolée. Ma belle, d'où est-ce que je tirais cette expression à la con? À ma grande surprise, elle s'est jetée dans mes bras en sanglotant. Rob nous a prises par les épaules et nous a poussées vers une salle réservée aux visiteurs, où on pouvait chialer et se préparer des boissons chaudes. Une vieille dame à chignon regardait la télévision, une boîte de thé sur les genoux. Elle nous a gratifiés d'un regard peu amène et nous nous sommes assises à l'extrémité du sofa en sky bleu. Nous n'avions pas grand-chose à nous dire, mais il fallait que nous nous le disions. Norman nous avait trahis et nous n'arrivions pas à nous convaincre que nous y étions pour quelque chose. L'une comme l'autre avions la sensation d'avoir fait ce que nous pouvions pour lui. Elle, malgré sa vie de famille tumultueuse, moi en dépit de mon second mariage et de l'histoire triangulaire foireuse qui nous avait liés tous les trois. Bien entendu, Carole ne savait rien non plus du roman de son frère. À cet instant, ni elle ni moi ne soupçonnions quoi que ce soit. Autant dire que ce que nous pouvions nous raconter en cet instant n'avait pas beaucoup d'importance, si l'on voulait bien considérer l'histoire qui se déroulait ailleurs et qui, je crois, j'espère, se déroule toujours. Parce qu'en cet instant, sa sœur avait posé la tête sur mon épaule, elle triturait un Kleenex trempé. En cet instant, tandis que nous regardions la télé, nous aussi, un voyage prenait forme ailleurs. Le narrateur avait bouclé ses valises. Il lui fallait prendre le bus jusqu'à l'aéroport sans nom. Il lui fallait, une fois parvenu au comptoir d'embarquement, exhiber son passeport. Partait-il à l'étranger? Un employé le dévisageait avec circonspection, retournait le document dans tous les sens, inspectant la photo, sourcils froncés, puis le regardant lui, comme si un élément manquait. Pour finir, et comme à regret, il lui rendait tout. Le billet, le passeport, la liberté. Le narrateur avançait le long d'un interminable couloir, statufié sur un tapis roulant. Il patientait en salle d'embarquement sans faire quoi que ce soit. Puis, invité à embarquer, il s'installait au fond de l'avion, près du hublot, la place des solitaires et de ceux qui contemplent. L'hôtesse lui présentait un choix de magazine, mais il secouait gentiment la tête. Rien n'était nommé dans ce roman. Rien n'était présenté dans un quelconque contexte. Personne aux côtés du narrateur ne pianotait sur un téléphone portable. On aurait pu être en 1970, mais il aurait fallu savoir comment les gens étaient habillés pour en être certain, ou quel était le modèle de l'avion. L'appareil, en tout cas, se trouvait aux 3/4 vide. Il décollait dans une lente aspiration et le narrateur regardait par le hublot. Il voyait la ville basculer et disparaître. Les nuages imposaient une géographie nouvelle et... Bien vite, je n'ai plus su où je me trouvais, ni où nous nous rendions. Sur un grand carnet beige, à la première page, je m'étais contenté de recopier le parcours, les horaires, les correspondances à ne pas manquer, et au cas où je les manquerais tout de même, quelques adresses d'hôtels le long des étapes cruciales. Mais le nom du pays... J'ignore combien de temps dura le vol. Quand j'ouvris les yeux, je compris que je n'avais jamais vraiment dormi. L'hôtesse de nouveau passa en poussant son chariot, mais cette fois elle ne me proposa rien. Un message nouveau devait s'être inscrit sur mon front. Une formule lapidaire que nul ne pouvait déchiffrer, mais dont chacun percevait le sens. Aussi bien, plus personne ne me demanda mon passeport par la suite, ni même une quelconque preuve, laissez-passer ou autre. J'étais arrivé dans un endroit où votre silence vous part, où l'on cesse de vous demander des comptes. À la sortie de l'aéroport, un nouveau car m'attendait, les flancs mouchetés de poussière. Le chauffeur était une femme obèse, aux dents trop longues et mal plantées. Quand je sortis mon portefeuille, elle secoua la tête d'un air de dire « Épargnez-moi ». Je me dirigeai vers les sièges du fond. Quelques passagers avaient déjà pris place, chacun seul sur sa banquette, qui plongeait dans un livre ou un journal, qui le visage tourné vers sa vitre, tapissée de crasse. Les ressorts de mon siège gémirent un instant sous mon poids. Je ramenai mon sac contre moi et m'efforçais, tandis que nous démarrions, de prêter attention au paysage. De grands arbres étiques se dressaient au bord de la route. Au-delà, une plaine aride, et plus loin, la montagne tant désirée. Notre chauffeur avait mis de la musique, un standard crachotant, piano et trompette, un seul morceau qui semblait répété ad nauseam, mais progressait pourtant par subtiles variations. Bientôt, la route bifurqua et s'enfonça dans un paysage plus sec encore, un désert de terre brune, où tremblaient des arbustes et des buissons d'armoises. Nul panneau n'annonçait où nous étions, où nous allions. Une fois, deux fois, le bus s'arrêta, sa porte se dépliant dans un grincement kakoshim, et une poignée de passagers descendirent, valise à la main. Je vis l'un d'eux, un vieil homme affublé d'une barbiche taillée à l'ancienne, se diriger vers une caravane d'un jaune pisseux laissé en plein soleil, sa vieille antenne pendant, comme si le vent l'avait arrachée. L'homme posa sa valise, puis s'étirant avec volupté, se tourna vers le soleil. Nos regards se croisèrent en cette seconde, et ses doigts écartés se rassemblèrent en une forme de salut. Je discernais dans ce signe l'expression d'une connivence, un sentiment d'appartenance. Du reste, me dis-je, tous les occupants du bus semblaient accepter la solitude et le silence. J'avais trouvé mon royaume. Le texte continuait ainsi, pendant des pages et des pages. Parfois, le narrateur se laissait aller à des descriptions boursouflées de langueur et d'emphase. Par exemple, le bus se vidait lentement tel le sang d'un poignet de suicidés par-dessus le rebord de la baignoire. Bientôt, le narrateur se retrouvait seul avec la grosse conductrice fan de jazz, les mains serrées sur le volant, le regard rivé à la route poussiéreuse. Pas un instant, il ne songeait à s'avancer pour aller lui parler. Le silence dans ce livre avait des allures de culte. La montagne se rapprochait. Le narrateur distinguait ses sommets enneigés. La végétation reprenait ses droits. Le désert se transformait en prairie. Ça et là, des vaches apparaissaient, blanches et pourvues de cornes énormes. C'était un mélange de rocheuses et d'autres paysages réels ou rêvés. Parfois, un détail me frappait, comme la réminiscence d'une vie que j'avais moi-même connue. Tel rapace perché sur un rocher, telle voûte céleste picorée peu à peu de diamants. Mais aussi vite qu'elle avait surgi, l'impression de familiarité s'étiolait. Ce monde était un monde créé, un monde à part, et que j'avais seulement approché. Je n'avais aucun droit sur ce monde. Je ne le connaissais pas mieux qu'une autre. Et cependant, j'avais du mal à me départir d'un sentiment de concorde. La nuit arrivait. Non, s'abattait comme une gifle flanquée au jour. Et elle avait la main lourde. Le narrateur descendait. Le bus repartait sans lui dans un maigre nuage poudré. Le silence était au rendez-vous. De ma poche, je sortis le morceau de papier sur lequel était inscrite l'adresse. Le crépuscule s'enfuyait, dernier reflet bleu pâle teinté d'un rose déchirant. Il y avait un lampadaire, plus loin dans la grande rue, un spécimen unique. Je passais mon sac sur mon épaule et remisais le papier. L'adresse était gravée depuis longtemps dans ma mémoire. Je ne l'avais consultée que pour me rassurer, me convaincre que tout ceci n'était pas le fruit de mon imagination. Mes pas résonnaient sur le trottoir tandis que je remontais la grande rue. L'enseigne d'un bar clignotait, formant par intervalles des ombres fantasques sur la chaussée. L'établissement était fermé. Il n'ouvrirait pas avant le lendemain matin. Bientôt, je quittais l'artère principale. Une rue transverse partait vers la prairie et bien vite se transformait en un sentier bordé d'herbes hautes. Une image me revenait en mémoire, tandis que je me rapprochais de la petite cabane qui se dressait là-bas en lisière de forêt. Celle de ce manchot dans le hall de l'aéroport. Un petit homme au visage dur, vêtu d'une veste de cuir noir qui ne m'avait pas lâché du regard. Passant devant lui, j'avais cru un instant qu'il allait m'adresser la parole, et cette pensée m'avait mis mal à l'aise. Mais rien de tel ne s'était produit. M'avançant dans le grand hall, j'avais senti sur ma nuque la brûlure de son regard. Et puis les portes automatiques s'étaient ouvertes, et mes sombres pensées s'en étaient allées pas trop loin. Elles revenaient maintenant, telles de petits démons grimaçants. La clé de la cabane, m'avait prévenu ma propriétaire, se trouvait sous une petite pierre du puits. Je la trouvais sans difficulté. C'était une clé en or, qui brillait dans la nuit. Le narrateur ouvrait la porte, et une odeur de renfermé venait lui chatouiller les narines. De toute évidence, personne n'avait habité ici depuis un bon moment. C'était Canaan, nouvelle lointaine, de Fabrice Collin. Deuxième épisode, avec Catherine Tartarin, Hélène, Mathieu Létuvé, Norman, Émilie Gavoicane, Betty, Laurent Cléry, Rob, Nathalie Villeneuve, Carole, Delphine Cognard, la secrétaire, Louis-Marie Audubert, le médecin, Olivier Ruidavet, le chauffeur de taxi. Et les voix de Élise Hobbe, Capucine Lespinasse, Olivia Forest, Alexandra Ansidei, Florence Mestet, Pierre-Marie Schneider, Didier Mérigou, Olivier Ruidavet, Malo de la Tulay, Bertrand de Rofignac, Cécile Arnaud, Joséphine Serre, Anouche Paré, Laurine Bobby-Malzac, Isabelle Miller, Claude Bernard Perrault, Florian Goetz, Thomas Pouget, Xavier Xapla, Élodie Vincent. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Juliette Eman. Remerciements à Dominique Massa et Antoine Huyose.